désolé, j'ai pris tant de coups et de baffes que j'ai pas volé. Le chétan est partout, fais-toi plaisir qui chuchote. Ça paraît top, un antidote jusqu'à l'arrière coup de shot. On prend souvent la tête blessée, même quand ça sent la patate. Le processus est rodé, on en sort rarement un tas. Et tout ça s'enchaîne vite, certes. Pas le temps pour les regrets, mais on régresse et passe à côté du progrès. Tu marches en bombant le torse, tu dévisages franchement. Ça va très vite, gauche-droite, ramasse tes dents. La hagara, ça porte la secoua. Si t'es doué en sport de combat, ça t'empêchera pas de prendre une leba. La force, c'est dans la tête et la foi dans le cœur. À ceux qui sont dans l'erreur, qui préconisent la terreur. Si tu t'y retrouves, que ce texte te plaît, te parle, que tu mènes ta barque seule, c'est que tu reviens de loin. Si tu reviens de loin, c'est que t'as connu la chute. Oublie la déviation qui t'a éloigné de ton but. Pourquoi tu souris moins? C'est que t'as connu les coups de pute. Les gens te brugent ou te jugent en une minute. Alors tu roules un joint pour oublier la flûte. On t'a raconté, c'est dans toutes tes forces que tu recrutes. Et si tu serres les poings, c'est que tu reviens dans la lutte pour rendre des coups à la vie qui t'a mis des supercutes. Et ce parcours, on le connaît par cœur. Que Dieu nous pardonne de nos erreurs, moi et mes partenaires. Nos mères, elles ont trop frotté les parquets. Et si t'as remarqué, on veut plus se retrouver par terre. On a marché, traversé déserts et blizzards. Parfois ça fout les boules quand je croise des regards bizarres. On va pas se mentir, on te préfère à terre plutôt que de te voir rebondir. Demande à Radmou, les darbas sont à nous. On revient sans tabou pour récupérer le scalou. Putain ça fait mal, je comprends pas cette sale époque. J'ai la gorge serrée, enrayée comme le canon d'un Glock. J'efface mes colères à mes démons, elles me renvoient. On est passé trop vite de l'échec scolaire au chèque en bois. Chacha chaque jour, même si on n'est pas OP. On a l'ambition des grands que rien ne pourra stopper. Si tu reviens loin, c'est que t'as connu la chute. Pris la déviation qui t'a éloigné de ton but. Pourquoi tu souris moins? C'est que t'as connu les coups de pute. Les gens te grugent ou te jugent en une minute. Alors tu roules un joint pour oublier la flûte. On t'a raconté, c'est dans toutes tes forces que tu recrutes. Et si tu serres les poings, c'est que tu reviens dans la lutte pour rendre des coups à la vie qui t'a mis des supercutes. On se laisse pas aller à la facilité, même si on a l'air passif. On a des têtes tendues jusqu'au coup de griffe. On sniffe pas de coke, on veut pas ressembler à Chucky. C'est ta mère la junkie. Travailler, papailler, faut lutter, faut batailler. Depuis 96, y'a si peu de choses qui ont changé. Peu importe, on a su éviter le danger. On est toujours là au P, et c'est nos voix sur un nouveau projet. Tu sois derrière des barrières ou des barreaux, tomber à terre, faut se relever du chaos. Me demande pas ce qui me rend terne. Le progrès m'illumine en vrai mais n'éclaire pas ma lanterne. J'garde tout ce passé que j'ai en stock au fond de mon cœur. Et j'pense à demain comme l'horoscope. Si tout s'écroule, sache que seuls les rêves restent à chacun. Son nirvana, son sommet de l'Everest. Si tu reviens loin, c'est que t'as connu la chute. Ou pris la déviation qui t'a éloigné de ton but. Pourquoi tu souris moins? C'est que t'as connu les coups de pute. Les gens te grugent ou te jugent en une minute. Alors tu roules un joint pour oublier la flûte. On t'a raconté, c'est dans toutes tes forces que tu recrutes. Et si tu serres les poings, c'est que tu reviens dans la lutte pour rendre des coups à la vie qui t'a mis des supercutes. Si tu reviens loin, c'est que t'as connu la chute ou pris la déviation qui t'a éloigné de ton but. Pourquoi tu souris moins? C'est que t'as connu les coups de pute. Les gens te grugent ou te jugent en une minute. Alors tu roules un joint pour oublier la flûte. On t'a raconté, c'est dans toutes tes forces que tu recrutes. Et si tu serres les poings, c'est que tu reviens dans la lutte pour rendre des coups à la vie qui t'a mis des supercutes.